soleil s'endort, je me réveille au combat. La mission s'achève sur un grand final. Au pied du mur, sans piédestal. Maxi dose ambition létale. Je finis la boucle et repars en convoi. Un message d'amour gravé sur les balles. Je souris sous casque intégral. Aucun retour, aucune escale. Avec ou sans air, libéré de mes chaînes. Déterminé, le succès ne tombera pas du ciel. Je me fie à mon instinct, façonne un modèle. Derrière ma haine se cache une voie de miel. Je me suis toujours battue pour ceux et celles à qui le temps n'a pas donné des ailes. Le regard rivé en bas de l'échelle. S'il lit les bonnes et mauvaises nouvelles. Sans modestie, sans modestie. La story n'est pas finie. Je retrouverai mes esprits quand l'oseille comblera l'ennui. Les épreuves m'auront forgé. Voilà qu'on cul, visage terni. ADN sous le vernis. Lueur d'espoir de la couleur. Un ciel étoilé de la liqueur. J'ai vu leur survie à la loupe. Solo je me suis fait ma route. L'ambition effacera la douleur. J'en ai fait le tour, j'apparais la nuit, disparaît le jour. Maman dit c'est la vie, repense à l'amour. La patience est bonne quand le cœur est lourd. Espoir infime, rage fait le sourd. Une vue rarissime, du haut des tours. C'est pas le paradis, n'appelle pas au secours. On a pour ambition de quitter le four. L'histoire est la même, peu importe les épreuves. La victoire est mienne, plongée dans mes songes. Je fais face au réel, je maintiens l'équilibre. Avec du plomb dans l'aile, immaculée d'or. Sans médaille ni emblème, à quoi bon taper du poing sur la table, qualité est bonne. Cuir est véritable, l'ennemi est mort. Ils sont misérables, ouais. Une lueur d'espoir de la couleur.